pas pleurnicher pour un bobo. Écoutez. Dans le temps, il y avait, d'un côté le piquenot plus terreux bouseau rural et de l'autre, le mec de la ville ouvrier, cadre, bourgeois, citadin. Simple, non? Aujourd'hui, il y a le rejeté de la ville d'année du progrès et il y a le bobo qui y vit, gagnant de la mondialisation, adepte du bling-bling consensuel. Il y a d'un côté ceux qui habitent loin de ceux qui se décident, survivent, galèrent et de l'autre, il y a ceux, centre-ville, zone piétonne, piste cyclable, bus, métro et vélib, connectés aux nouvelles technologies qui imposent à l'énorme majorité silencieuse et invisible de Français, leur vision, leurs valeurs, leurs élus, avec en tête de gondole le seigneur Hollande de Tulle, surnommé François la Tuile. Après ça, me direz-vous, pas étonnant qu'il y ait une fracture abyssale. Le géographe Christophe Guilly, qui est loin d'être né idiot, a fait un petit calcul, d'un côté la France qui s'en tire plus que bien, soit 10% des 36 000 communes, concentrant 40% de la population, et de l'autre, 60% des citoyens essaimés dans 90% des communes, très petites, avec moins de 1000 habitants, petites, moyennes, villes moyennes. Ce cher géographe assène fort justement, en quelques décennies, la mondialisation a permis aux classes dominantes de se délester en douceur et sans contestation des catégories désormais inutiles du nouveau modèle économique. En clair, le tissu social d'une ville comme Paris, où cohabitaient des classes aussi disparates que des ouvriers de Citroën et Renault, des petits commerçants, dans des quartiers populaires, des quartiers d'immigrants, et des quartiers bourgeois, eh bien, tout cela a fondu comme neige au soleil, et il ne reste plus qu'une classe bobo-bourge semi-rentière-rentière, de ceux qui ont entre 20 et 40 ans, des hauts revenus, pas d'enfants si possible, quant à la plèbe rejetée, inutilisable. D'abord en proche banlieue, puis de plus en plus loin, puis... devenus des périurbains, vivant dans des lotissements au milieu d'ex-zones agricoles, ou encore plus, dans des zones rurales où toute vie a disparu, plus d'écoles, de postes, de commerces, de stations essence, encore moins d'hôpitaux, et même plus de pôle emploi. Il faut posséder deux voitures par famille et rouler des 50 km pour aller travailler, soit 250 euros par mois pour un salaire de smicard, 1000 euros net, et avoir la joie en rase campagne de se payer des embouteillages. Bien souvent le haut débit internet est un mirage, les portables ne passent pas, les routes sont défoncées, les bâtiments publics tombent en ruine, et le Front National sème son grain et récolte son ivraie. Avant, les classes populaires vivaient là où se produisaient les richesses, proches des grandes métropoles, zones de sidérurgie, zones de métallurgie, zones de production de masse, électroménager, automobiles, vêtements, etc. C'est la première fois que ce n'est pas le cas, et pourquoi ? Les centres-villes des grandes métropoles sont hors de prix, les proches banlieues sont soit encore trop chères, ou bien, essentiellement habitées par une immigration récente, ou des ghettos fantasmés par des bobos trouillards et surtout ignorants, donc, un univers déserté par les catégories dites moyennes. De plus, il n'y a plus dans ces zones à haute valeur ajoutée que deux pôles, des activités hautement qualifiées à forte rémunération, ou des emplois de service ou qualifiés payés au minimum sociaux. Ceux qui seraient ou pensent être de la classe moyenne n'ont plus qu'à boucler armes et bagages et tenter l'aventure hors agglomération tentaculaire, pôle d'intelligence économique. Et c'est ainsi que le piège se referme. Installé dans un pavillon en bordure d'un village ou d'une petite ville, l'employé vit avec l'épée de Damoclès au-dessus de sa destinée. L'usine, l'entrepôt, la société ferme, et voilà, c'est le grand plongeon. Il va falloir se déplacer pour s'inscrire comme demandeur d'emploi, dans une région sans emploi, de plus, pas question de déménagement, car le pavillon est invendable, ou sinon à grande perte, si en plus une des voitures tombe en panne. C'est le début de la fin, de la fin. Il en découlera des divorces, des enfants ballottés, et des dépressions nerveuses soignées à coups de médoc, car pas question de conduire sans borne pour aller consulter l'hôpital ou le spécialiste. Nous parlons ici de 60% de Français, soit dans les 45 millions. Dire qu'à une époque on a parlé de la ville à la campagne. En ce sens, d'avoir tous les avantages de fonctionnement de la ville loin des centres urbains. Ce qu'il s'est passé, c'est bien que toutes ces catégories populaires se sont retrouvées à la campagne. Mais une campagne dévastée. Oui, pour 45 millions d'entre nous, nous ne sommes plus bons qu'à être mis au rancard et laisser le train de la vie à grande vitesse nous passer dessus. Pendant ce temps-là, en pleine inconscience, et pas plus tard que dimanche dernier sur Canal Plus 1, le François Hollande, qui me fait penser de plus en plus à Marie-Antoinette et sa phrase fameuse qu'il mange donc de la brioche, s'adressait à son vrai électorat bobo bourge-trou-duc, en clair, le jeune couple citadin qui vient de rentrer du marché bio et balançait des bons mots en toute sérénité, alors que son pays s'enfonce dans le pire marasme, que 45 millions d'administrés ne veulent plus voir sa tronche de mi-carême, et que sa bande de bozos est aussi impopulaire que ses saloperies d'allergie au pollen. On en a plein le nez du bobo là, s'écria Chantal Jouanneau, tout en garant sa smart décapotable « Je suis très bobo. Je suis une grande jouisseuse de la vie. Je n'ai pas outre mesure un instinct sacrificiel. » Et c'est une experte qui vous parle du haut de ces pyramides qui contemple 4 décennies de gabegie. Alors, après la droite gagneuse, la gauche caviar, voici venue la gauche bioterie sélective. Georges Zété, avril 2015. D'après un livre de Christophe Guilly. La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires. Flammarion.